Ces gentilshommes de province, qui sentaient encore à plein nez leur monarchie, furent en peu de temps de pair à compagnon avec le vieux prévôt, comme s'il eût été l'un des leurs. Jusque-là, c'était bien, il n'y avait qu'à féliciter Stassin, dit la pointe au corps, de sa bonne fortune. Mais malheureusement, ce vieux prévôt n'avait pas qu'un cœur de maroquin rouge sur le palastron capitonné de peau blanche, dont il couvrait sa poitrine, quand il donnait magistralement sa leçon. Il se trouva qu'il en avait un autre par-dessous, lequel se mit à faire des siennes, dans cette ville de V, où il était venu chercher le havre de grâce de sa vie. Il paraît que le cœur d'un soldat est toujours fait avec de la poudre. Or, quand le temps a séché la poudre, elle n'en prend que mieux. À V, les femmes sont si généralement jolies que l'étincelle était partout pour la poudre séchée de mon vieux prévôt. Aussi, son histoire se termina-t-elle comme celle d'un grand nombre de vieux soldats. Après avoir roulé dans toutes les contrées de l'Europe et pris le menton et la taille de toutes les filles que le diable avait mises sur son chemin, l'ancien soldat du Premier Empire consomma sa dernière offredaine en épousant à 50 ans passés, avec toutes les formalités et les sacrements de la chose, à la municipalité et à l'église, une grisette de V. Laquelle, bien entendu, je connais les grisettes de ce pays-là, j'en ai assez à accoucher pour les connaître, lui campa un enfant bel et bien au bout de ses 9 mois, jour pour jour. Et cet enfant, qui était une fille, n'est rien moins, mon cher, que la femme à l'air de déesse qui vient de passer, en nous frisant insolemment du vent de sa robe, et sans prendre plus garde à nous que si nous n'avions pas été là. « La comtesse de Savigny, m'écriai-je. »« Oui, la comtesse de Savigny, tout au long, elle-même. »« Ah, il ne faut pas regarder aux origines, pas plus pour les femmes que pour les nations. »« Il ne faut regarder au berceau de personne. » »« Je me rappelle avoir vu à Stockholm celui de Charles XII, qui ressemblait à une mangeoire de cheval grossièrement coloriée en rouge, et qui n'était pas même d'aplomb sur ses 4 piquets. C'est de là qu'il était sorti, cette tempête. Au fond, tous les berceaux sont des cloaques, dont on est obligé de changer le linge plusieurs fois par jour. Et cela n'est jamais poétique, pour ceux qui croient à la poésie, que lorsque l'enfant n'y est plus. Et pour appuyer son axiome, le docteur, à cette place de son récit, frappa sa cuisse d'un de ses gants de daim, qu'il tenait par le doigt du milieu. Et le daim claqua sur la cuisse, de manière à prouver, à ceux qui comprennent la musique, que le bonhomme était encore rudement musclé. Il attendit. Je n'avais pas à le contrarier dans sa philosophie. Voyant que je ne disais rien, il continua. Comme tous les vieux soldats du reste qui aiment jusqu'aux enfants des autres, la pointe au corps du raffolé du sien. Rien d'étonnant à cela. Quand un homme déjà sur l'âge a un enfant, il l'aime mieux que s'il était jeune, car la vanité qui double tout, double aussi le sentiment paternel. Tous les vieux roquentins que j'ai vus dans ma vie avoir tardivement un enfant adoraient leur progéniture, et ils en étaient comiquement fiers comme d'une action d'éclat. Persuasion de jeunesse que la nature qui se moquait d'eux leur coulait au cœur. Je ne connais qu'un bonheur plus grisant et une fierté plus drôle. C'est quand au lieu d'un enfant, un vieillard d'un coup en fait deux. La pointe au corps n'eut pas cet orgueil paternel de 2 jumeaux. Mais il est vrai de dire qu'il y avait de quoi tailler 2 enfants dans le sien. Sa fille, vous venez de la voir, vous savez donc si elle a tenu ses promesses. Était un merveilleux enfant pour la force et la beauté. Le premier soin du vieux prévôt fut de lui chercher un par un parmi tous ses nobles, qui hantaient perpétuellement sa salle d'armes. Et il choisit entre tous le comte Davis, le doyen de tous ces batteurs de fer et de pavés, qui pendant l'émigration avait été lui-même prévôt à Londres. À plusieurs guinées la leçon. Le comte Davis de Sortoville en Beaumont, déjà chevalier de Saint-Louis et capitaine de dragons avant la Révolution, pour le moins alors septuagénaire, boutonnait encore les jeunes gens et leur donnait ce qu'on appelle, en termes de salle, de superbes capotes. C'était un vieux narquois, qui avait des railleries en action féroce. Ainsi, par exemple, il aimait à passer son carolet à la flamme d'une bougie. Et quand il en avait, de cette façon, durci la lame, il appelait ce dur fleuret, qui ne pliait pas plus et vous cassait le sternum ou les côtes lorsqu'il vous touchait, du nom insolent de chasse aux coquins. Il prisait beaucoup la pointe au corps, qu'il tutoyait. « La fille d'un homme comme toi, lui disait-il, ne doit se nommer que comme l'épée d'un preux. » Appelons-la Hauteclerc, et ce fut le nom qu'il lui donna. Le curé de V fit bien un peu la grimace à ce nom inaccoutumé, que n'avaient jamais entendu les fonds de son église. Mais, comme le parrain était monsieur le comte Davis, et qu'il y aura toujours, malgré les libéraux et leur piaillerie, des accointances indestructibles entre la noblesse et le clergé, comme d'un autre côté on voit dans le calendrier romain une sainte nommée Claire, le nom de l'épée d'Olivier passa à l'enfant, sans que la ville de V s'en émût beaucoup. Un tel nom semblait annoncer une destinée. L'ancien prévôt, qui aimait son métier presque autant que sa fille, résolut de lui apprendre et de lui laisser son talent pour dot, triste dot, maigre pitance, avec les mœurs modernes que le pauvre diable de maître d'armes ne prévoyait pas. Dès que l'enfant put donc se tenir debout, il commença de l'applier aux exercices de l'escrime. Et comme c'était un marmot solide que cette fillette, avec des attaches et des articulations d'acier fin, il la développa d'une si étrange manière qu'à 10 ans elle semblait en avoir déjà 15, et qu'elle faisait admirablement sa partie avec son père et les plus forts tireurs de la ville de V. On ne parlait partout que de la petite Haute-Claire Stassin, qui plus tard devait devenir mademoiselle Haute-Claire Stassin. C'était surtout, comme vous vous en doutez, de la part des jeunes demoiselles de la ville, dans la société de laquelle, tout bien qu'il fût avec les pères, la fille de Stassin, dit la pointe au corps, ne pouvait décemment aller. Une incroyable, ou plutôt, une très croyable curiosité, mêlée de dépit et d'envie. Leurs pères et leurs frères en parlaient avec étonnement et admiration devant elles, et elles auraient voulu voir de près cette Saint-Georges femelle, dont la beauté, disait-il, égalait le talent d'escrime. Elle ne la voyait que de loin, mais à distance. J'arrivais alors à V, et j'ai été souvent le témoin de ses curiosités ardentes. La pointe au corps qui avait sous l'Empire servi dans les hussards, et qui, avec sa salle d'armes, gagnait gros d'argent, s'était permis d'acheter un cheval pour donner des leçons d'équitation à sa fille. Et comme il dressait aussi à l'année de jeunes chevaux, pour les habitués de sa salle, il se promenait souvent à cheval, avec Haute-Claire, dans les routes qui rayonnent de la ville, et qui l'environnent. Je les ai hier rencontrés maintes fois en revenant de mes visites de médecin, et c'est dans ces rencontres que je pus surtout juger de l'intérêt, prodigieusement enflammé, que cette grande fille, si hâtivement développée, excitait dans les autres jeunes filles du pays. J'étais toujours par voies et chemins en ce temps-là, et je m'y croisais fréquemment avec les voitures de leurs parents, allant en visite avec elle à tous les châteaux d'alentour. Eh bien, vous ne pourrez jamais vous figurer avec quelle avidité et même avec quelle imprudence je les voyais se pencher et se précipiter aux portières dès que mademoiselle Haute-Claire Stassin apparaissait, trottant ou galopant dans la perspective d'une route, brodequin à bottes avec son père. Seulement, c'était à peu près inutile. Le lendemain, c'était presque toujours des déceptions et des regrets qu'elle m'exprimait dans mes visites du matin à leur mère, car elle n'avait jamais bien vu que la tournure de cette fille, faite pour l'Amazone, et qui la portait comme vous, qui venez de la voir, pouvez le supposer, mais dont le visage était toujours plus ou moins caché dans un voile gros bleu trop épais. Mademoiselle Haute-Claire Stassin n'était guère connue que des hommes de la ville de V. Toute la journée, le fleuret à la main, et la figure sous les mailles de son masque d'armes, qu'elle n'ôtait pas beaucoup pour eux, elle ne sortait guère de la salle de son père, qui commençait à s'enrudir, et qu'elle remplaçait souvent pour la leçon. Elle se montrait très rarement dans la rue, et les femmes, comme il faut, ne pouvaient la voir que là, ou encore le dimanche à la messe. Mais le dimanche à la messe, comme dans la rue, elle était presque aussi masquée que dans la salle de son père, la dentelle de son voile noir étant encore plus sombre et plus serrée que les mailles de son masque de fer. Y avait-il de l'affectation dans cette manière de se montrer ou de se cacher, qui excitait les imaginations curieuses? Cela était bien possible, mais qui le savait? Qui pouvait le dire? Et cette jeune fille, qui continuait le masque par le voile, n'était-elle pas encore plus impénétrable de caractère que de visage, comme la suite ne l'a que trop prouvé? Il est bien entendu, mon très cher, que je suis obligé de passer rapidement sur tous les détails de cette époque, pour arriver plus vite au moment où réellement cette histoire commence. Mademoiselle Haute-Claire avait environ 17 ans. L'ancien beau, la pointe au corps, devenu tout à fait un bonhomme, veuf de sa femme, et tué moralement par la Révolution de Juillet, laquelle fit partir les nobles en deuil pour leur château et vida sa salle, tracassait vainement ses gouttes qui n'avaient pas peur de ses appels du pied, et s'en allait au grand trou vers le cimetière. Pour un médecin qui avait le diagnostic, c'était sûr. Cela se voyait, je ne lui en promettais pas pour longtemps, quand un matin fut amené à sa salle d'armes, par le vicomte de Taillebois et le chevalier de Ménilgrand, un jeune homme du pays élevé au loin, et qui revenait habiter le château de son père, mort récemment. C'était le comte Serlon de Savigny, le prétendu, disait la ville de V, dans son langage de petite ville, de mademoiselle Delphine de Cantor. Le comte de Savigny était certainement un des plus brillants et des plus piaffants jeunes gens de cette époque de jeunes gens qui piaffaient tous, car il y avait, à V comme ailleurs, de la vraie jeunesse dans ce vieux monde. À présent, il n'y en a plus. On lui avait beaucoup parlé de la fameuse haute clairstassin, et il avait voulu voir ce miracle. Il la trouva ce qu'elle était, une admirable jeune fille, piquante et provocante en diable dans ses chausses de soie tricotées, qui mettaient en relief ses formes de palace de velletrie, et dans son corsage de maroquin noir, qui pinçait, en craquant sa taille robuste et découplée, une de ces tailles que les circassiennes n'obtiennent qu'en emprisonnant leur jeune fille dans une ceinture de cuir, que le développement seul de leur corps doit briser. Haute Claire Stassin était sérieuse comme une Clorinde. Il la regarda donner sa leçon, et il lui demanda de croiser le fer avec elle. Mais il ne fut point le Tancred de la situation, le comte de Savigny. Mademoiselle Haute Claire Stassin plia à plusieurs reprises son épée en faucille sur le cœur du beau Serlon, et elle ne fut pas touchée une seule fois. « On ne peut pas vous toucher, mademoiselle, lui dit-il, avec beaucoup de grâce. Serait-ce un augure ? » L'amour-propre dans ce jeune homme était-il, dès ce soir-là, vaincu par l'amour ? C'est à partir de ce soir-là, du reste, que le comte de Savigny vint tous les jours prendre une leçon d'armes à la salle de la Pointe au Corps. Le château du comte n'était qu'à la distance de quelques lieues. Il les avait bientôt avalés, soit à cheval, soit en voiture, et personne ne le remarqua dans ce nid bavard d'une petite ville, où l'on épinglait les plus petites choses du bout de la langue, mais où l'amour de l'escrime expliquait tout. Savigny ne fit de confidence à personne. Il évita même de venir prendre sa leçon aux mêmes heures que les autres jeunes gens de la ville. C'était un garçon qui ne manquait pas de profondeur, ce Savigny. Ce qui se passa entre lui et Hauteclerc, s'il se passa quelque chose, aucun à cette époque ne l'a su ou le s'en douta. Son mariage avec mademoiselle Delphine de Cantor, arrêté par les parents des deux familles, il y avait des années et trop avancées pour ne pas se conclure, s'accomplit 3 mois après le retour du comte de Savigny. Et même ce fut là pour lui une occasion de vivre tout un mois à V, près de sa fiancée, chez laquelle il passait, en coupe réglée, toutes les journées, mais d'où le soir, il s'en allait très régulièrement prendre sa leçon. Comme tout le monde, mademoiselle Hauteclerc entendit à l'église paroissiale de V proclamer les bans du comte de Savigny et de mademoiselle de Cantor. Mais ni son attitude, ni sa physionomie ne révélèrent qu'elle prit à ces déclarations publiques un intérêt quelconque. Il est vrai que nul des assistants ne se mit à l'affût pour l'observer. Les observateurs n'étaient pas nés encore sur cette question, qui sommeillait d'une liaison possible entre Savigny et la belle Hauteclerc. Le mariage célébré, la comtesse alla s'établir à son château, fort tranquillement, avec son mari, lequel ne renonça pas pour cela à ses habitudes citadines, et vint à la ville tous les jours. Beaucoup de châtelains des environs faisaient comme lui, d'ailleurs. Le temps s'écoula. Le vieux la pointe au corps mourut. Fermé quelques instants, sa salle se rouvrit. Mademoiselle Hauteclerc Stassin annonça qu'elle continuerait les leçons de son père. Et loin d'avoir moins d'élèves par le fait de cette mort, elle en eut davantage. Les hommes sont tous les mêmes. L'étrangeté leur déplaît, d'homme à homme, et les blesse. Mais si l'étrangeté porte des jupes, ils en raffolent. Une femme qui fait ce que fait un homme le ferait-elle beaucoup moins bien, aura toujours sur l'homme en France un avantage marqué. Or, mademoiselle Hauteclerc Stassin, pour ce qu'elle faisait, le faisait beaucoup mieux. Elle était devenue beaucoup plus forte que son père. Comme démonstratrice à la leçon, elle était incomparable, et comme beauté de jeu splendide. Elle avait des coups irrésistibles, de ces coups qui ne s'apprennent pas plus que le coup d'archet ou le démanché du violon, et qu'on ne peut mettre par enseignement dans la main de personne. Je ferroyais un peu dans ce temps, comme tout ce monde dont j'étais entouré, et j'avoue qu'en ma qualité d'amateur, elle me charmait avec de certaines passes. Elle avait entre autres un dégagé de cartes en tierces qui ressemblait à de la magie. Ce n'était plus là une épée qui vous frappait, c'était une balle. L'homme le plus rapide à la parade ne fouettait que le vent, même quand elle l'avait prévenu qu'elle allait dégager, et la botte lui arrivait, inévitable, au défaut de l'épaule et de la poitrine. On n'avait pas rencontré de fer. J'ai vu des tireurs devenir fous de ce coup, qu'ils appelaient de l'escamotage, et ils en auraient avalé leur fleuret de fureur. Si elle n'avait été femme, on lui aurait diablement cherché querelle pour ce coup-là. À un homme, il aurait rapporté 20 duels. Du reste, même à part ce talent phénoménal, si peu fait pour une femme, et dont elle vivait noblement, c'était vraiment un être très intéressant que cette jeune fille pauvre, sans autre ressource que son fleuret, et qui, par le fait de son état, se trouvait mêlé aux jeunes gens les plus riches de la ville, parmi lesquels il y en avait de très mauvais sujets et de très fat, sans que sa fleur de bonne renommée en souffrît. pas plus à propos de Savigny qu'à propos de personne. La réputation de Mademoiselle Hauteclère Stassin ne fut effleurée. Il paraît pourtant que c'était une honnête fille, disaient les femmes comme il faut, comme elle l'aurait dit d'une actrice. Et moi-même, puisque j'ai commencé à vous parler de moi, moi-même, qui me piquais d'observation, j'étais sur le chapitre de la vertu de Hauteclère, de la même opinion que toute la ville. J'allais quelquefois à la salle d'armes, et avant et après le mariage de Monsieur de Savigny, je n'y avais jamais vu qu'une jeune fille grave, qui faisait sa fonction avec simplicité. Elle était, je dois le dire, très imposante, et elle avait mis tout le monde sur le pied du respect avec elle, n'étant elle ni familière, ni abandonnée avec qui que ce fût. Sa physionomie extrêmement fière, et qui n'avait pas alors cette expression passionnée dont vous venez d'être si frappé, ne trahissait ni chagrin ni préoccupation, ni rien enfin de nature à faire prévoir, même de la manière la plus lointaine, la chose étonnante qui, dans l'atmosphère d'une petite ville, tranquille et routinière, fit l'effet d'un coup de canon et cassa les vitres. Mademoiselle Hauteclère Stassin a disparu. Elle avait disparu. Pourquoi? Comment? Où était-elle allée? On ne savait. Mais ce qu'il y avait de certain, c'est qu'elle avait disparu. Ce ne fut d'abord qu'un cri, suivi d'un silence. Mais le silence ne dura pas longtemps. Les langues partirent, les langues longtemps retenues, comme l'eau dans une vanne, et qui, l'écluse levée, se précipite et va faire tourner la roue du moulin avec furie, se mirent à écumer et à bavarder sur cette disparition inattendue, subite, incroyable, que rien n'expliquait, car Mademoiselle Hauteclère avait disparu sans dire un mot, ou laisser un mot à personne. Elle avait disparu comme on disparaît quand on veut réellement disparaître. Ce n'étant pas disparaître que de laisser derrière soi une chose quelconque, grosse comme rien, dont les autres peuvent s'emparer pour expliquer qu'on a disparu. Elle avait disparu de la plus radicale manière. Elle avait fait non pas ce qu'on appelle un trou à la lune, car elle n'avait pas laissé plus une dette qu'autre chose derrière elle, mais elle avait fait ce qu'on peut très bien appeler un trou dans le vent. Le vent souffla et ne la rendit pas. Le moulin des langues, pour tourner à vide, n'en tourna pas moins, et se mit à moudre cruellement cette réputation, qui n'avait jamais donné barre sur elle. On la reprit alors, on l'éplucha, on la passa au crible, on la carda. Comment et avec qui cette fille, si correcte et si fière, s'en était-elle allée? Qui l'avait enlevée? Car bien sûr, elle avait été enlevée. Nulle réponse à cela. C'était à rendre folle une petite ville de fureur, et positivement, V le devint. Que de motifs pour être en colère. D'abord, ce qu'on ne savait pas, on le perdait. Puis on perdait l'esprit sur le compte d'une jeune fille qu'on croyait connaître, et qu'on ne connaissait pas, puisqu'on l'avait jugée incapable de disparaître comme ça. Puis, encore, on perdait une jeune fille qu'on avait cru voir vieillir ou se marier, comme les autres jeunes filles de la ville, internées dans cette case d'échiquier d'une ville de province, comme des chevaux dans l'entrepont d'un bâtiment. Enfin, on perdait, en perdant Mademoiselle Stassin, qui n'était plus alors que cette Stassin une salle d'armes célèbre à la ronde, qui était la distinction, l'ornement et l'honneur de la ville, sa cocarde sur l'oreille, son drapeau au clocher. Ah, c'était dur que toutes ces pertes, et que de raisons en une seule pour faire passer sur la mémoire de cet irréprochable Hauteclère le torrent plus ou moins fangeux de toutes les suppositions. Aussi y passèrent-elles, excepté quelques vieux hobereaux à l'esprit grand seigneur, qui, comme son parrain le comte d'Avis, l'avait vu enfant, et qui d'ailleurs ne s'émeuvant pas de grand-chose, regardait comme tout simple qu'elle eût trouvé une chaussure meilleure à son pied que cette sandale de maître d'armes qu'elle y avait mise, Hauteclère Stassin en disparaissant n'eut personne pour elle. Elle avait, en s'en allant, offensé l'amour-propre de tous, et même ce furent les jeunes gens qui lui gardèrent le plus rancune et s'acharnèrent le plus contre elle, parce qu'elle n'avait disparu avec aucun d'eux. Et ce fut longtemps leur grand grief et leur grande anxiété. Avec qui était-elle partie? Plusieurs de ces jeunes gens allaient tous les ans vivre un mois ou deux d'hiver à Paris, et deux ou trois d'entre eux prétendirent l'y avoir vue et reconnue, au spectacle ou aux Champs-Élysées, à cheval, accompagnés ou seuls. Mais ils n'en étaient pas bien sûrs, ils ne pouvaient l'affirmer. C'était elle, et ce pouvait bien être pas elle, mais la préoccupation y était. Tous, ils ne pouvaient s'empêcher de penser à cette fille, qu'ils avaient admirée et qui, en disparaissant, avait mis en deuil cette ville d'épée dont elle était la grande artiste, la diva spéciale, le rayon. Après que le rayon se fût éteint, c'est-à-dire, en d'autres termes, après la disparition de cette fameuse Hauteclère, la ville de V tomba dans la langueur de vie et la pâleur de toutes les petites villes qui n'ont pas un centre d'activité, dans laquelle les passions et les goûts convergent. L'amour des armes s'y affaiblit. Animée naguère par toute cette martiale jeunesse, la ville de V devint triste. Les jeunes gens, qui, quand ils habitaient leur château, venaient tous les jours ferrailler et changèrent le fleuret pour le fusil. Ils se firent chasseurs, ils restèrent sur leurs terres ou dans leurs bois, le comte de Savigny comme tous les autres. Il vint de moins en moins à V, et si je l'y rencontrais quelquefois, ce fut dans la famille de sa femme, dont j'étais le médecin. Seulement, ne soupçonnant d'aucune façon à cette époque qu'il pût y avoir quelque chose entre lui et cette haute claire, qui avait si brusquement disparu, je n'avais nulle raison pour lui parler de cette disparition subite, sur laquelle le silence, fils des langues fatiguées, commençait de s'étendre, et lui non plus ne me parlait jamais de haute claire et des temps où nous nous étions rencontrés chez elle, et ne se permettait de faire à ces temps-là, même de loin, la moindre allusion. « Je vous entends venir avec vos petits sabots de bois, fis-je, au docteur, en me servant d'une expression du pays dont il me parlait, et qui est le mien. C'était lui qui l'avait enlevé. » « Eh bien, pas du tout, dit le docteur. C'était mieux que cela. Vous ne vous douteriez jamais de ce que c'était. Outre qu'en province, surtout, un enlèvement n'est pas chose facile au point de vue du secret, le comte de Savigny, depuis son mariage, n'avait pas bougé de son château de Savigny. Il y vivait, au-dessus de tout le monde, dans l'intimité d'un mariage qui ressemblait à une lune de miel indéfiniment prolongée. Et comme tout se cite et se cote en province, on le citait et on le cotait. Savigny comme un de ces maris qu'il faut brûler, tant ils sont rares, plaisanterie de province, pour en jeter la cendre sur les autres. Dieu sait combien de temps j'aurais été dupe moi-même de cette réputation si un jour, plus d'un an après la disparition de Haute-Claire Stassin, je n'avais été appelé, en termes pressants, au château de Savigny, dont la châtelaine était malade. Je partis immédiatement et dès mon arrivée je fus introduit auprès de la comtesse, qui était effectivement très souffrante d'un mal vague et compliqué, plus dangereux qu'une maladie sévèrement caractérisée. C'était une de ces femmes de vieille race, épuisées, élégantes, distinguées, hautaines, et qui, du fond de leur pâleur et de leur maigreur, semblent dire « Je suis vaincu du temps, comme ma race. Je me meurs, mais je vous méprise. Et le diable m'emporte, tout plébéien que je suis, et quoique ce soit peu philosophique, je ne puis m'empêcher de trouver cela beau. » La comtesse était couchée sur un lit de repos, dans une espèce de parloir à poutrelles noires, et à murs blancs, très vastes, très élevés, et ornée de choses d'art ancien, qui faisaient le plus grand honneur au goût des comtes de Savigny. Une seule lampe éclairait cette grande pièce, et sa lumière, rendue plus mystérieuse par l'abat-jour vert qui la voilait, tombait sur le visage de la comtesse, aux pommettes incendiées par la fièvre. Il y avait quelques jours déjà qu'elle était malade, et Savigny, pour la veiller mieux, avait fait dresser un petit lit dans le parloir, auprès du lit de sa bien-aimée moitié. C'est quand la fièvre plus tenace que tous ses soins avait monté un acharnement sur lequel il ne comptait pas qu'il avait pris le parti de m'envoyer chercher. Il était là, le dos au feu, debout, l'air sombre et inquiet, à me faire croire qu'il aimait passionnément sa femme et qu'il la croyait en danger. Mais l'inquiétude dont son front était chargé n'était pas pour elle, mais pour une autre que je ne soupçonnais pas au château de Savigny et dont la vue m'étonna jusqu'à l'éblouissement. C'était Haute-Claire. « Diable, voilà qui est osé, dis-je au docteur. » Si osé, reprit-il, que je crus rêver en la voyant. La comtesse avait prié son mari de sonner sa femme de chambre, à qui elle avait demandé, avant mon arrivée, une potion que je venais précisément de lui conseiller. Et quelques secondes après, la porte s'était ouverte. « Eulalie, et ma potion ?» dit d'un ton bref la comtesse impatiente. « La voici, madame, » fit une voix que je crus reconnaître, et qui n'eut pas plutôt frappé mon oreille que je vis émerger de l'ombre qui noyait le pourtour profond du parloir et s'avancer au bord du cercle lumineux tracé par la lampe autour du lit, Haute-Claire Stassin. Oui, Haute-Claire elle-même, tenant dans ses belles mains un plateau d'argent sur lequel fumait le bol demandé par la comtesse. C'était à couper la respiration d'une telle vue, Eulalie. Heureusement, ce nom d'Eulalie, prononcé si naturellement, me dit tout, et fut comme le coup d'un marteau de glace qui me fit rentrer dans un sang-froid que j'allais perdre, et dans mon attitude passive de médecin et d'observateur. Haute-Claire, devenue Eulalie, et la femme de chambre de la comtesse de Savigny. Son déguisement, si tant est qu'une femme pareille pût se déguiser, était complet.